la chance d'être né pauvre. Depuis mon plus jeune âge, j'ai su la vraie valeur des choses. Toujours de bonne humeur, j'ai vécu mon pare-balles contre les blessures au cœur. Vertu et honneur sont les clés du bonheur. Tu veux que je fasse quoi, dit? On me l'avait pas dit. Le repenti sincère, ouvre la porte du paradis. Je marche seul avec mes péchés dans un caddie. La douleur est encore comme un week-end avant lundi. Je prie le très haut, tête haute, tournée vers l'Olympe. Cesse de jeune, Dieu en a marre d'écouter nos plaintes. Avant de m'envoler dans le ciel comme un oiseau mort, j'essaye de changer l'avenir comme Sarah Connor. Magique la roue qui tourne. Imagine la ride avec Yungi pour unis contre les flics crépous. Dans mon quartier, viens faire un petit tour. J'ai tout perdu, étranger, aperçu mon paradis. Sans m'aller au bout de la rue, quand reviendra-t-il dans ma vie? Dans ma vie, dans ma vie. Quand aperçu mon paradis, sans m'aller au bout de la rue, quand reviendra-t-il dans ma vie? Mes bonnes actions, je fais pas de donation en public. J'ai vu trop de types le faire pour des ovations. Tête en l'air, l'esprit en mode avion. J'essaie d'être exemplaire pour le paradis. Je suis en période de probation. Mes sauvages, on se moque des moulures au plafond. Des plastrons de haute couture ou de la fourrure du roi lion. Cribitume et la décoration. Cherche la lumière dans la désolation. Je ne tremble même plus à chaque détonation. Je suis l'ange de la mort, rôder autour de moi, le cœur en feu. À croire que je suis devenu un pyromane. Comme Iron Man, j'avais une équipe pleine de piranhas. Y'a les fouilles normales, y'a les fouilles anales. J'ai perdu ma dinde, j'ai gagné par nain. Mais plus encore, la médaille d'or, elle était banale. Moi, je veux mon fils Adam. Oublier le passé avec une pensée pour mon frère Enda. J'ai tout perdu, étranger. Aperçu mon paradis. Sans m'aller au bout de la rue, quand reviendra-t-il dans ma vie? Dans ma vie, dans ma vie. Quand aperçu mon paradis. Sans m'aller au bout de la rue, comme une douleur, vu de toutes les couleurs. Moi je suis de sale humeur, mais vas-y dis-leur. J'ai comme une douleur, vu de toutes les couleurs. Moi je suis de sale humeur, mais vas-y dis-leur. À perdre, j'ai prêté serment. C'est pas en restant dans le passé que je serai en passe d'apprécier le présent. À fond de cinquième, je brave les éléments. L'art d'être fainéant, je me laisse plus dépasser par les événements. Je dois rester fort malgré les proches qui partent. Là, c'est des portes qui claquent. Je dois créer mes propres miracles. La chance naît dans un sourire. J'aime voir les gens heureux. C'est comme ça que je me sens le mieux. J'ai tout perdu, étranger. Aperçu mon paradis. Sans m'aller au bout de la rue, quand reviendra-t-il dans ma vie? Mon paradis, sans m'aller au bout de la rue, quand reviendra-t-il dans ma vie? Dans ma vie, dans ma vie. Char, Hadès, c'est pour le coup, frère. Paradis perdu, le bonheur ça se mérite. Faut que je me dépasse car j'ai fait plein d'erreurs. Et là je ne serai jamais l'un des leurs. Perdu en face des portes du paradis, l'enfer s'efface dans la paix intérieure.